le crissement du crayon sur le papier qui me rappelle et m'empêche de sombrer dans les limbes sans rêve et sans geôlier jusqu'à ce que l'heure se lève et l'envie d'éclater, surtout l'envie d'éclater. C'est le mélange des rêves et des idées qui me poussent dans l'abîme du pire pour continuer, même si c'est la zone dans ma tête. Quand j'ai fumé, on ira jusqu'au bout de la fête, au bout de la journée, au bout de la journée. Dans ce sac où elle est enfermée, c'est aussi fait de briques de broc. Ce que j'ai à te donner, des bribes de paroles plutôt loufoques qu'il ne faut pas oublier. Oh non, surtout pas oublier. C'est encore ce manque de présence qui m'était reproché, qu'on m'a compté comme une absence. De trois demi-journées, il me reste toujours la conscience d'avoir su me contrôler, de pas avoir craché sur le dirlo. C'était pas l'envie qui manquait. Oh non, c'était pas l'envie qui manquait.